durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la formation au maraîchage bio, un métier qui attire de nombreux néo-ruraux, mais qui ne s'improvise pas. Nous sommes en Moselle, au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole, le CFPPA de Courcelles-Chaussy, avec le responsable de la formation au brevet professionnel en maraîchage biologique. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Bonjour. Bonjour Eric. Philippe Meyer, nous sommes ici sur la terrasse du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion, le CFPPA de Courcelles-Chaussy. Juste en face de nous, un magnifique jardin agroécologie. Nous sommes entre ce jardin et les locaux du CFPPA. Avant de rentrer dans le détail de la formation maraîchage dont vous vous occupez ici, Philippe Meyer, j'aimerais que vous nous expliquiez cet improbable acronyme d'EPLEA. Oui, alors EPLEA de Courcelles-Chaussy, ça veut donc dire établissement public local d'enseignement agricole. Quand je dis que c'est improbable. Voilà, bon ben voilà, c'est comme ça. Et donc ça regroupe quatre centres constitutifs, donc le lycée agricole. Voilà, généralement on fait un raccourci, hein, EPLEA c'est le lycée agricole, mais donc il y a une structure lycée agricole où il y a des lycéens. Il y a un CFA, centre de formation d'apprentis, il y a une ferme. Donc une exploitation agricole et le CFPPA qui est plutôt donc dédié à la formation continue des adultes. Voilà. Et ce CFPPA, Philippe Meyer, est ouvert à la formation en continu. En continu. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont pas comme au lycée agricole essentiellement des jeunes. Là, vous accueillez plutôt un public adulte. Adulte, que des adultes. Mmh. Hein, que des adultes. Alors, on a bien compris donc que cette EPLEA est constituée de plusieurs entités. Tout ça fonctionne ensemble, peut-être pas, sauf la ferme. Si, tout fonctionne ensemble. Il y a un seul et même conseil d'administration, voilà, pour expliquer les choses, quoi. Mmh. Hein. Mais le public qui est dans l'une ou l'autre entité sont des publics très séparés. Tout à fait. D'ailleurs, on est ici sur un site un petit peu excentré par rapport au reste de l'EPL. On est plus proche de la ferme, on est sur le site de la ferme et pas sur le site du lycée agricole, quoi. Voilà. Alors, vous, plus particulièrement, Philippe Meyer, vous êtes donc responsable, alors pareil, hein, je lis ma fiche, responsable de la formation BPREA. Décidément, vous appréciez, vous adorez les sigles. C'est super, c'est en agriculture, hein, les sigles, il y en a partout. Alors, BP, c'est brevet professionnel, c'est le nom du diplôme, responsable d'entreprise agricole à partir de 2019. Ah, ça change, parce que ça va être rénové. Ça, c'est donc le métier, en fait. Et nous, à Courcelles, on a choisi d'orienter plus précisément cette formation, ce BPREA, vers l'agriculture biologique et encore plus précisément vers la production maraîchère. Il y a une forte évolution dans la sémantique et dans le vocabulaire agricole. On est passé de paysan à agriculteur, après à exploitant agricole. On parle même maintenant de manager en agriculture. Pourquoi ne pas finalement proposer, Philippe Meyer, un brevet professionnel paysan, justement? Ben nous, finalement, le raccourci qu'on fait, hein, si je dois présenter la formation, je la présente souvent en ces termes-là, c'est une formation qui prépare au métier de paysan maraîcher. Voilà. Paysan maraîcher. Voilà. Alors, au sein même de ce CFPPA, Philippe Meyer, il n'y a pas que l'option maraîchage biologique. Non. Alors, on est... D'ailleurs, l'ensemble de l'EPL, hein, l'EPLEA, est orienté, beaucoup orienté sur les travaux paysagers, ce qui est également le cas ici du CFPPA. On a deux formations en paysage. On a plusieurs formations aussi axées sur l'environnement, notamment sur la réduction de l'impact des produits phytosanitaires. Et on a également une autre formation commerciale et une autre formation responsable d'exploitation agricole, plutôt classique, j'aurais tendance à dire, hein, polyculture-élevage, avec des aspects de diversification, mais qui se distingue un petit peu de la formation maraîchère par le fait que voilà, on ne se cible pas uniquement sur une production comme c'est le cas pour la formation maraîchage. Quoi. Donc on peut donc suivre une formation pour obtenir un brevet professionnel de maraîcher bio. Ouais. Est-ce que c'est la seule entité en Lorraine, Philippe Meillat, à proposer ce type de formation? Oui, me semble. Ouais. Alors les autres centres que sont par exemple Bar-le-Duc ou Mirecourt proposent une formation de responsable d'exploitation agricole, mais pas cette orientation spécifique en agriculture biologique et en maraîchage. Et ailleurs en France? Oui, oui, il y en a beaucoup. Je ne sais plus combien, mais beaucoup. On n'est pas forcément obligé de venir à Courcelles-sur-Cisse aussi, même si c'est fortement recommandé. Oui, pour tous les gens du Grand Est, venez chez nous. Voilà. Alors précisément, est-ce que on parle plutôt de stagiaires, on dit élèves, stagiaires? Stagiaires paysans, c'est quand même un beau statut. Ouais. Qui viennent à Courcelles-sur-Cisse sont plutôt des Lorrains ou viennent d'ailleurs? Non, principalement des Lorrains. Principalement des Lorrains. On a déjà accueilli des années passées des gens de Champagne-Ardenne ou les gens vraiment limitrophes en Alsace pour qui c'est plus pratique de venir chez nous que d'aller jusqu'à Aubernais ou Vincennes, etc. D'où vient cette orientation bio de Courcelles-sur-Cisse, Philippe Meillat? Alors, donc ça remonte à une dizaine d'années. Avec mon collègue Patrice Muller, à l'époque, avec notre directeur de l'époque, Bernard Meurice. Meillère, Muller, ça sonne très alsacien, ça. Ouais, ça fait un peu Dupont, hein, on nous le reproche souvent. Mais bref, donc on avait vraiment envie de s'engager dans la bio. Pourquoi? Ça faisait partie de nos convictions, hein, repositionner l'agronomie, les circuits courts, enfin tout ce qui nous plaisait finalement dans l'agriculture et qui s'était un petit peu perdu. Et voilà, on avait envie de s'en réemparer. Et on a été conforté un petit peu dans ce choix-là par le besoin qu'avait évoqué la profession bio via le CGA de Lorraine. Hein. Encore un acronyme. Voilà. CGA, Centre de Groupement Agrobiologique. Voilà, en gros, les producteurs bio de Lorraine. Exactement. Et donc, qui souhaitait également que se développe production maraîchère en Lorraine, qui est toujours une des régions les moins bien pourvues en surface maraîchère de France. Quoi. Donc voilà, les deux choses. Se sont rencontrées. Hein, les deux esprits se sont rencontrés. Et de là, donc, est née l'idée. Avec le soutien, il faut le reconnaître, donc, de notre directeur de l'époque, Bernard Meurice, l'idée de mettre en place cette formation, avec la démarche et l'appui du réseau Formabio, hein, qui est également un élément qui nous a beaucoup aidé dans la mise en place. Donc on a mis en place cette formation en même temps que l'atelier de maraîchage ici sur la ferme. Sur cet établissement public d'enseignement agricole, Philippe Meillat, il y a donc conjointement des maraîchers bio, ouais. Mais il y a aussi des producteurs de l'agrochimie pure et dure. Oui, plus vraiment pure et dure. Je pense qu'on essaye quand même de les emmener un petit peu vers autre chose. Ah, justement, c'était le sens de ma question. Ouais. Comment cohabitent ces deux publics? Ouais. Et on a vraiment, quelque part, deux cultures, sans mauvais jeu de mots, différentes. Oui, c'est vrai. Eh bien, ça cohabite pas si mal que ça. Ça s'ignore assez souvent. Donc, voilà, il n'y a pas de conflit. Hein. De plus en plus, on va appeler ça les conventionnels, hein, appelons-les comme ça, commencent à regarder ce qui se passe du côté de la bio. Notamment, là, on sait que l'atelier de maraîchage bio de la ferme de Courcelles est visité assez régulièrement. Hein, la nuit, quand personne ne voit. Non, mais chaque fois qu'il faut effectivement démontrer un petit peu en quoi Courcelles est novateur au niveau agronomique, au niveau agricole, c'est l'atelier maraîchage qu'on va visiter. Donc ça suscite quand même de l'intérêt de la part de l'ensemble des apprenants du centre. Hein. Parce que j'imagine, évidemment, on est ici dans un centre de formation professionnelle. Il y a donc aussi une dimension fortement économique. Philippe Meillat, ça veut dire que le maraîchage bio, ça marche? Faudra demander aux stagiaires sortants. Moi, je pense que ça marche. Ici, du moins, sur l'atelier de Courcelles, ça marche. Les indicateurs sur lesquels on se base nous montrent que, effectivement, ça marche. Hein. On a de quoi rémunérer trois personnes, trois salariés, en même temps faire de la formation, produire des légumes en quantité suffisante pour une centaine de familles. Enfin, c'est quand même des indicateurs qui sont plutôt intéressants. Par ailleurs, il y en a, tout dépend dans quelles conditions on s'installe. Nous, on a quand même bénéficié finalement de conditions de mise en place de l'atelier assez facilitées. Hein. Bon, bref, D'autres maraîchers qui s'installent sont pas toujours aussi leur installation n'est pas toujours aussi facilitée, mais dans l'ensemble, oui, le maraîchage fonctionne bien, hein, y a pas de souci là-dessus, quoi. Alors du coup, forcément, Philippe Meyer, une question évidente, les stagiaires ici allez, on va dire du lycée agricole pour faire court, hein, j'imagine que vous avez une cantine, cette cantine est bio? Non, pas 100% bio. Enfin, bio, qu'est-ce que elle prend? Elle intègre des produits bio dans ses repas, comme beaucoup de cantines, et dont une partie non négligeable de nos légumes. Hein. Il me semble qu'on est environ autour de 4000 euros par an en termes de consommation de légumes à la cantine de Courcelles. Voilà. Et puis pour les autres, pour le reste, hein, les autres produits bio qu'elle intègre, c'est un peu comme font beaucoup de cantines, hein, j'imagine, hein, c'est des yaourts, des fruits, des choses qui ne nécessitent pas une grosse préparation. Hein, ouais. Il y avait un commerçant, je vous dis, qui était chaland. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce gai refrain. Ses carottes puis ses navots, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roues, des pâtes. Quand le printemps est arrivé, elle a commencé à chanter. Viens d'en voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous de la botte. Des radis puis de la salade, des betteraves puis de la rhubarbe. J'ai du vrai sirop d'érable fait avec de la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roues, des bâtes. On l'entend dans les ruelles, la bouche pendue aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux concombres, on en a pour tout le monde. Il y en a pas dans le quartier qui a des beaux concombres comme moi. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roues, des pâtes. Quand vient le temps des bleuets, il faut le watcher de près. Des belles prunes et puis des fraises, des groseilles puis des framboises. L'autre jour en m'en allant, j'ai pas vu le commerçant. Ses cassons n'étaient pas pleins, il en faisait de courant. Quand le temps est arrivé, il vient tout décourager. Il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin. Il s'en va tout de travers, on va laisser ma chère. Je vous dis qu'elle débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des bartes. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges, des bartes. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Oh, on en a des légumes. Oh oui, on en a des beaux choux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roues, des barres. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des roues, des barres. Oh, on en a des légumes, des carottes. Nous sommes toujours au CFPPA de Courcelles-Chaussy, c'est en Moselle, avec vous Philippe Meyer, qui vous êtes responsable de la formation maraîchage biologique, superbement installée juste en face du jardin agroécologique. On ira voir vos stagiaires tout à l'heure sur le terrain. Philippe Meyer, je me suis inscrit, évidemment c'est pour de faux, dans votre formation pour devenir maraîcher biologique. Qu'est-ce qui m'attend? Aha. 1400 heures de formation déjà, donc 10 mois, hein, février à décembre. Donc on a calé la formation sur le calendrier de production d'un maraîcher. Alors bien sûr, hein, ce qui va t'attendre, Eric, c'est apprendre à produire des légumes, quoi, hein. Ça commence déjà par être capable de gérer et d'aménager une parcelle maraîchère, hein, faire le design de la parcelle, comme on appelle. Ensuite, bien sûr, prendre possession de son sol pour arriver finalement à poser un choix de travail du sol. Ensuite, opération très importante, un petit peu le cœur du métier, c'est l'organisation de la production, la planification des cultures. Le maraîcher, pendant l'hiver, souvent il fait ça. Voilà, il réfléchit, il regarde l'année, la campagne à venir et il répond à ces questions qui paraissent toutes simples mais qui sont hyper complexes. Qu'est-ce qu'il faut que je produise comme légumes, en quelle quantité et où c'est que je vais les implanter sur ma parcelle. Donc ça, c'est une partie vraiment importante. Ensuite, bien sûr, on déroule également tous les aspects implantation des cultures, protection des cultures, gestion de l'enherbement, cher au système en bio, l'irrigation, etc. Ensuite, ça c'est pour la partie, on va dire, technique agronomie. Ensuite, le maraîcher, on va aussi le former pour qu'il sache vendre sa production. Donc la partie commercialisation est vraiment importante. Donc là, on s'appuie sur un territoire qu'on demande aux candidats de choisir. Par exemple, voilà, je verrais bien m'installer dans le secteur de Metz et ses environs. Bon, bref, je pense à par exemple. Et on va lui demander donc de faire une étude de commercialisation. Parfois un peu le point faible d'ailleurs traditionnellement de l'agriculteur, la vente, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, mais traditionnellement le paysan était d'abord un producteur, non, Philippe Meyer? Ouais, mais chez nos publics maraîchers, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment conscients que c'est ça qui va faire fonctionner et qui une partie importante. Alors tous ne sont pas forcément à l'aise avec cet aspect-là, plus ou moins à l'aise. Mais disons, ils sont tous conscients que voilà, ils vont pas produire des légumes pour. Sinon, il n'y a pas d'autre filière en Lorraine que quasiment la vente directe, quoi. Hein. Donc la partie commercialisation. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est comptabilité, gestion. Hein. Ensuite, un élément aussi important, on passe pas mal de séances à aider finalement nos apprenants à se positionner sur une identité professionnelle. Donc savoir ce que c'est la bio, l'agriculture, les externalités, les valeurs ajoutées de l'agriculture. Le savoir-être. Voilà, c'est le savoir-être. Et grâce à ça, ils peuvent aussi finalement, ça participe aussi quelque part de la réussite de leur projet, notamment, on parlait de la commercialisation à l'instant. Si quelqu'un est bien conscient en quoi son système interagit avec la société, il va être plus à même. Ça veut dire, Philippe Meyer, que en 10 mois, je peux acquérir les compétences d'un maraîcher bio et m'installer et vivre de ma production. Voilà, non, bon là, restons un petit peu modestes. 10 mois, c'est long. Certains diraient que c'est long. En fait, c'est pas assez long pour envisager de s'installer avec réussite dès la sortie. D'où, il y a pas mal de choses qui peuvent être mobilisées à la suite de cette formation. Alors, il y a pas mal de nos anciens stagiaires qui travaillent comme salariés dans certaines fermes maraîchères de Lorraine, salariés saisonniers. Et également, dans peu de temps, ils auront la possibilité d'intégrer un espace test qu'on met en place avec la communauté de communes de Metz Métropole sur la base de Frescati. Non, donc... faut se rendre à l'évidence, c'est que pendant cette formation, nous on fait de la formation, donc on forme des stagiaires à des capacités. Le métier, la réussite du métier, c'est encore une autre étape. Ça veut dire aussi, Philippe Meyer, qu'il faut un brevet professionnel pour s'installer en qualité de maraîcher biologique. Ouais, alors c'est fortement recommandé par différentes instances, notamment les instances de l'État qui donnent les aides à l'installation. La DGA est directement reliée à la capacité professionnelle qui, elle, donc, est obtenue grâce avec le brevet professionnel. DGA, dotation, jeune agriculteur. Jeune agriculteur, ouais. Philippe Meyer, je suis journaliste, mais j'ai envie, comme beaucoup peut-être, de revenir à la terre. Je peux, moi, comme ça, de but en blanc, intégrer la formation maraîchage biologique que vous proposez à Courcelles-Chaussy? Non, alors il y a quand même un petit peu un certain nombre de filtres qu'on met en place avant. Donc déjà, première chose, tous nos candidats, si on explique un petit peu la procédure, on les invite à participer à une session d'information, c'est une demi-journée, où je leur présente le métier. Et grâce à cette présentation des réalités du métier, dessus, je greffe la présentation de la formation, ce que c'est la formation. Et j'espère que les candidats comprennent bien ce que la formation n'est pas. généralement, voilà, un peu effacer certains fantasmes. Voilà, effacer certains fantasmes. Donc la réalité, c'est celle que j'ai un petit peu décrite tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il faut être capable de conduire un système de production qui permette de faire vivre, il faut commercialiser, il faut assurer la comptabilité, la gestion de son entreprise, et puis tout ça dans le respect d'un certain nombre de comment on va dire ça, un petit peu de valeur, d'échelle de valeur, hein, notamment, entre autres, voilà, on peut dire que quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le maraîchage, il faudrait qu'il vise un chiffre d'affaires de 35 000 euros. Derrière ces 35 000 euros, ben voilà, par cascade, on a quel niveau d'activité, quelle surface, qu'est-ce qu'il faut travailler, etc. etc. quoi. Alors, si un journaliste ne peut pas devenir maraîcher bio, en tout cas pas d'emblée. Pas d'emblée, donc, voilà. Quel est le profil, justement, des stagiaires qui viennent ici au CFPPA de Courcelles-Chaussy-Philippe Meilhard? Est-ce que ce sont des personnes qui sont tout ou majoritairement issues du milieu agricole, ou au contraire, ce qu'on appelle aujourd'hui des néo-ruraux? Non, c'est quasiment que des néo-ruraux. Hors cadre familial, non issu du milieu agricole, enfin il y a plein d'appellations. Par contre, ce qu'on leur demande, sans pouvoir vraiment l'exiger, hein, mais on les incite fortement à acquérir un petit peu d'expérience au préalable, donc auprès de maraîchers, hein, en allant travailler chez des maraîchers. Donc le woofing, voilà, c'est quelque chose qui est largement utilisé, mais également des activités de salariat. On met en place aussi, chaque fois que c'est possible, des dispositifs de préformation, entre guillemets, en amont, pour justement permettre à certains candidats de se frotter au premier réalité. Est-ce que vous avez beaucoup de candidats, Philippe Meilhard, qui veulent faire maraîchage bio première langue? Donc oui, première langue. Oui, bah, la plupart, beaucoup de personnes frappent à notre porte en disant, voilà, je vais faire, comme tu dis, maraîchage bio première langue. Et ben, finalement, quand on leur demande un petit peu de s'exprimer dans cette première langue, voilà, on voit qu'ils manquent rapidement de vocabulaire, quoi. Donc, bref, nous, on est quand même assez prudents là-dessus. Il ne suffit pas, effectivement, de passer comme ça de l'idée ou de l'envie au projet. C'est pour ça qu'il y a toute cette partie en amont dont je parlais, quoi. Combien de stagiaires en formation brevet professionnel ici à l'établi... Oh, j'arrive pas à dire établi... EPLEA. Oui, alors... Et puis que deviennent-ils en maraîchage. En maraîchage bio, ouais. Bien sûr, par an. Et que deviennent-ils, surtout? Bon, alors, on va dire une vingtaine par an. Une vingtaine par an, à la sortie de la formation. Dans les 2 années qui suivent, on va se donner 2 années, hein, pour justement combler un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'expérience, etc. etc. Et ben, il y en a environ 50% qui s'installent, plus ou moins modestement. Hein. Il y en a environ un quart qui travaille comme salarié dans l'agriculture de façon générale, dans l'agriculture bio de façon générale, mais majoritairement en maraîchage, et puis un quart qui reste un petit peu plus en retrait par rapport à ses idées au départ, qui reprend un travail qu'ils occupaient au début, etc. Est-ce que le maraîchage bio, Philippe Meilhard, est un métier d'avenir? Est-ce que vous encourageriez les jeunes et les moins jeunes, du reste, à embrasser cette profession? Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, je ne veux pas dire l'inverse. Non, premièrement, parce qu'on manque de légumes bio d'une façon générale sur le marché lorrain, que ce soit dans les cantines, que ce soit auprès des consommateurs, etc. On manque de paysans d'une façon générale. Voilà. Et puis moi, je trouve que il y a beaucoup de choses à imaginer en agriculture bio et plus particulièrement en maraîchage, hein. On a, voilà, depuis peu maintenant des systèmes avec des serres mobiles, voilà, chose dont on ne parlait pas il y a 5-6 ans encore, quoi. Donc je dis, voilà, dans les années à venir, il y a encore plein de choses, pourquoi pas de nouvelles productions associées à d'autres productions de fleurs, par exemple. Bon, bref, on peut imaginer encore plein de choses. Donc moi, j'y crois. Alors, on va confronter votre propos aux stagiaires, justement, voilà. Philippe Meilhard, puisqu'ils sont là, ils sont dans les champs, on va aller les voir. Je regarde pousser mon potager, je te laisse nourrir ton capital. J'ai le paysan d'à côté et toi, t'es multinational. L'agroécologie plutôt que l'agroalimentaire. Y a de l'espoir, viens par ici, on sème des graines contre la misère. Je veux du bonheur, je veux des sourires. Je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur. Je te vois rentrer. remplir toutes ces poubelles à coups de slogans de publicité. Tandis que le monde bat de l'aile, je t'offre un vent de sobriété. Je suis pas cigale, je suis pas fourmi, je suis pas un ogre de pouvoir. Je fais ma part du colibri, les petits font les grands espoirs. Je veux du bonheur, je veux des sourires. Je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur. Il te faut combien de planètes pour assouvir tous tes désirs? Tu trouves antiques mes recettes, mais avec toi y'a plus d'avenir. Tu sais on n'a qu'une seule terre qui file au rythme des saisons. Soit tu fous tout en l'air, soit tu retrouves la raison. Je veux du bonheur. Je veux des sourires, je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur. Et cette terre, occupons-nous de cette terre. C'est la seule qui puisse nous faire vivre. Nous le devons à nous-mêmes et nous devons aux générations qui viennent. Je veux du bonheur, je veux des sourires, je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur, je veux des sourires. Je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur. Je veux du bonheur à partager et sourire à la liberté. Je veux du bonheur. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Je veux du bonheur. Je veux du bonheur dans mon assiette, croquette, ton sourire, c'est la fête. Je veux du bonheur. Nous sommes toujours au CFPPA de Courcelles-Chaussy, où se déroule une formation de maraîchage biologique, cette fois-ci avec Benoît Zimmermann. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes responsable de la plateforme de maraîchage, formateur, c'est vous qui avez les pieds et les mains dans la terre. Alors, on va quitter un peu l'atelier où on se trouve, parce que vous venez de mettre en route le système d'arrosage, le système hydraulique. Benoît Zimmermann, une journée comme aujourd'hui par exemple avec vos stagiaires en maraîchage bio, vous faites quoi? Alors aujourd'hui on a accueilli les stagiaires en formation adulte et donc on les intègre aux activités de production. Donc concrètement ils ont réalisé du travail du sol, du repiquage, du désherbage, de la taille de tomates, aubergines, poivrons, concombres. Et là, ils sont en train de gérer la mise en route du système d'irrigation. Alors, on est en train d'avancer autour de nous des serres. Quelle est la surface que vous utilisez pour la formation ici en maraîchage bio, Benoît Zimmermann? Alors, en maraîchage bio, nous avons 3 hectares, mais on est au sein d'une plateforme bio qui comprend aussi 6 hectares de céréales et 2 hectares de vergers, de mirabelliers et de pommiers. On est aujourd'hui au fin du mois de juin 2018. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ici dans vos serres, mais pas seulement? Alors, à l'heure actuelle, la gamme est très diversifiée parce qu'on est en transition entre les cultures de printemps et les cultures d'été. Donc on a tous les légumes bottes, type carottes, betteraves, navets, oignons, etc. Mais également les premières courgettes, les concombres, les aubergines, les poivrons et bientôt les tomates. Quelle est la spécificité d'un maraîchage bio? Et d'ailleurs, on peut peut-être s'étonner que ça se développe bien sûr déjà beaucoup, mais pas suffisamment. Est-ce qu'il y a un travail vraiment spécifique pour être en maraîchage bio, Benoît Zimmermann? Alors, il est sûr qu'en maraîchage bio, la particularité, c'est qu'on n'utilise pas d'intrants chimiques de synthèse. Donc là, par exemple, on est devant la culture d'aubergines et on peut constater, si on regarde de près, qu'on commence à avoir énormément de pucerons. Donc l'intérêt, c'est d'essayer d'intégrer des auxiliaires finalement sur la parcelle à travers la recréation de milieux qui permettent de les accueillir. Et donc elles vont venir réguler les populations de ravageurs. Et les auxiliaires, c'est quoi? Alors les auxiliaires, ça peut être la coccinelle, c'est l'auxiliaire phare qui est connu. Mais là, par exemple, pour les pucerons, on en a d'autres comme des aphidés, des syrphes, des chrysopes. Bah, si vous voulez, on pourra faire un petit tour et je peux vous montrer les différents auxiliaires. On peut s'approcher un petit peu. Alors, une des spécificités en maraîchage bio, ça va être l'observation. Donc là, par exemple, on va retourner des feuilles. Hop, et donc on constate tout un tas de pucerons. Mais ici, par exemple, vous avez un puceron qui a été parasité par un praon. Donc c'est un petit hyménoptère qui va pondre à l'intérieur du puceron et se développer et ensuite sortir quelques jours plus tard. Ça veut dire que le maraîchage bio et l'agriculture biologique nécessitent, comme vous le disiez, Benoît Zimmermann, une observation, une bonne connaissance de son environnement, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui de l'agriculture classique conventionnelle. Alors on essaye de travailler avec l'environnement et je vous avoue que ce n'est pas tous les jours facile parce que là, sur ma culture d'aubergine, je vois des plants qui sont envahis par les pucerons et il y a un moment où quelque part j'ai peur et je me dis est-ce que finalement les auxiliaires vont arriver à réguler les ravageurs ? Benoît Zimmermann, au sol ici de cette serre, on pourrait s'attendre dans une exploitation, dans une ferme bio de maraîchage, d'avoir beaucoup d'environnement. Là, au fond, vous allez me dire que c'est pas du plastique sans doute, mais c'est une toile à travers laquelle percent bien précisément les pieds de tomates ou d'aubergines. Exact. Alors, même si je suis en maraîchage bio dans une exploitation de lycée agricole, j'ai des impératifs de production et donc d'optimisation du temps de travail. Et c'est pour ça que la culture d'aubergines, poivrons, concombres est mise sur du paillage, donc de la toile hors sol. Ça évite le désherbage, mais en même temps, ça limite l'irrigation. Donc, c'est un compromis entre les deux. Donc, au sein de la serre, effectivement, la culture est paillée avec le paillage plastique. Par contre, si on va faire un tour autour des serres, on maintient des zones de refuge pour les auxiliaires, comme ces zones qui ne sont pas fauchées, les haies, la mare, etc. Alors là, on est dans une serre. Vous avez également des cultures de plein champ ? Oui, on va pouvoir aller faire un tour. Et c'est vrai qu'au niveau des cultures de plein champ, on n'a pas de paillage plastique. Et on va essayer d'introduire, par exemple, des bandes fleuries qui permettent aux auxiliaires de circuler le long des cultures. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors on va profiter de la présence précisément des stagiaires ici au CFPPA de Courcelles-Saucy en maraîchage bio, et bien pour leur poser, ou lui poser en tout cas, puisque nous avons Claire avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Leur poser la question de savoir et bien précisément leur motivation, ce qui les fait changer de métier. Quel est votre propre parcours, Claire ? Alors moi je viens du Nord et je suis montée à Paris pour faire mes études après le bac et j'ai fait des langues, du japonais, du coréen. Après j'ai fait de la métier sous-culturel, j'ai fait de la com et je me suis retrouvée à travailler finalement en marketing. En fait j'avais un petit peu de mal à trouver mon chemin, mais voilà, je me suis retrouvée là-dedans au bout d'un moment. Claire, je peux vous demander, ça se fait pas trop, mais je peux vous demander votre âge ? J'ai 31 ans. Donc vous êtes encore toute jeune, une expérience et une pratique professionnelle dans un domaine totalement différent de l'agriculture et du maraîchage bio. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre vie ? J'en ai eu marre, en fait, de plusieurs choses. Mais j'ai travaillé donc 3 ans en marketing numérique à Paris. Et j'avais un peu l'impression de servir à rien dans mon travail. Et j'en avais aussi marre de vivre à Paris. J'ai apprécié Paris pendant un moment. Et puis au bout d'un moment, il y avait trop de gens. C'était trop petit. J'avais besoin d'être dehors. Voilà, donc un gros ras-le-bol de beaucoup de choses qui a fait que j'ai quitté mon CDI et puis je me suis ensuite, une fois que j'ai eu quitté mon travail, je me suis demandé ce que j'allais faire à la place, mais voilà. Au début, alors comment est-ce que vous êtes testé à ce retour à la terre, parce qu'on évoquait tout à l'heure avec Philippe Meyer les candidats qui veulent faire maraîchage première langue, il y a beaucoup de fantasmes. Est-ce que vous êtes vous-même testé, parce qu'entre du marketing coréen et la pratique du maraîchage, évidemment, il y a un monde. Oui, je me suis testée, moi, en faisant du woofing. Donc, le principe, c'est d'aller travailler. On adhère à une association et on va travailler bénévolement, en fait, chez des fermiers en bio, en échange d'être nourri, logé. Donc, généralement, on fait des demi-journées. Enfin, on s'arrange pour que ça corresponde aux deux parties. Et ça permet, pour certaines personnes, ça permet de voyager. Pour moi, ça m'a permis de tester le travail de maraîchage pour voir si ça me plaisait justement, parce que c'était plutôt une intuition que j'avais que ça me pourrait me plaire, mais j'avais besoin de savoir si au quotidien c'était... Et donc il faut croire que ça vous a plu puisque vous êtes là. Pourquoi avoir choisi précisément le maraîchage plutôt que un autre domaine dans l'agriculture et le bio en particulier, Claire ? Au début je voulais juste faire pousser des trucs, je savais pas trop quoi, j'ai pensé à des fleurs, j'ai pensé à des plantes médicinales, et en fait j'avais vraiment moi besoin de faire quelque chose qui me paraissait utile, de me sentir utile et de aussi agir pour le bien collectif, le bien de la planète, le bien des gens, leur santé. Et donc je me suis dit que faire pousser des légumes bio, c'était pas mal. Voilà, j'en avais un petit peu marre d'être dans mon coin à ronchonner sur l'état du monde et à rien faire, et je me suis dit ça peut être un moyen de faire quelque chose, de me sentir bien, d'être à l'aise avec ce que je fais dans ma vie. À l'issue de votre formation ici à Courcelles-Chaussy, Claire, quel est votre projet ? C'est encore un petit peu flou. J'ai le projet de m'installer, donc de monter ma ferme, ma petite ferme en maraîchage bio, faire pousser pas mal de légumes différents. Mais je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop quand. Je pense travailler un petit peu avant pour me faire une expérience et puis m'installer ensuite quand j'aurai trouvé le bon endroit. Aujourd'hui, vous avez fait du désherbage. Là aussi, on évoquait tout à l'heure le fantasme. Vous voyez, dans les années à venir, c'est quand même malgré tout une activité difficile quand on fait pousser des trucs, comme vous dites. C'est souvent par centaines qu'il faut les planter. Oui. Ça vous fait pas peur un peu ce côté peut-être un peu monotone malgré le fait qu'on participe à la protection de la planète? Bah, en fait, c'est pas si monotone que ça. Justement, l'avantage du maraîchage bio comme ça, diversifié, c'est qu'on peut faire pas mal de choses différentes dans une journée. Aujourd'hui, on a désherbé, mais on a planté aussi, on a taillé, on a fait de l'irrigation, donc il y a aussi du bricolage. Donc le côté monotone, finalement, c'est justement beaucoup moins monotone que ce que je faisais dans ma vie précédente. Après, c'est plutôt le côté physique et la difficulté physique du travail qui peut parfois faire peur. Le fait qu'on travaille beaucoup, qu'on fait beaucoup d'heures, qu'on est exposé aux éléments. Ça, il faut réussir à le gérer de façon à ne pas s'épuiser non plus. Et est-ce que ça peut être un métier de femme? Ah bah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui s'installent en maraîchage bio et en Lorraine, il y a beaucoup de maraîchères bio. Donc oui, tout à fait. Est-ce que c'est une activité qu'on pratique seule ou plutôt en couple ou en association? Tout se fait en fait. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui s'associent. Après, il y en a qui s'associent et puis ça marche pas, alors ils se séparent. Il y en a, ça marche bien. Il y a aussi des gens qui s'associent avec des personnes qui ont une autre activité, comme de l'élevage par exemple. Ça peut aussi marcher. Ou des gens qui font des légumes en association avec quelqu'un qui fait des fruits. Voilà, après, c'est une question de choix aussi personnel. Et si c'était à refaire? Moi? Moi j'aurais arrêté plutôt Paris, puis je serais venu directement ici, je pense. Voilà. Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär's zwar spannend zu wissen, doch wenn ich bleibe, dann verzweifel ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht, kenn jeden Winkel hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist, ob's wieder besser wird, glaub ich nicht. Ich werde sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nehm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Seitdem wir zusammen wohnen, fühlt sich's anders an. Ich hab gedacht, wir werden alt zusammen. Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin. Ob's wieder besser wird, weiß ich nicht. Ich werd dich sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nehm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nehm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Ich Meyer, vous êtes responsable de la formation maraîchage bio ici au CFPPA de Courcelles-Chaussy, c'est en Moselle. On est revenu s'asseoir sur la terrasse. Quel est votre propre parcours? Comment devient-on formateur en maraîchage bio? Par hasard, hein, par hasard. Mais moi j'ai un parcours agricole, hein, une formation agricole à la base, que j'ai fait en Alsace, hein, je suis alsacien d'origine, voilà, et puis fier de l'être, hein, genre, je dis au passage. Et donc je suis arrivé, après avoir fait différents petits travaux, hein, agricoles, petits métiers agricoles. Issu d'une famille d'agriculteurs? Ouais. Oui, mes parents étaient agriculteurs, double actifs, hein, viticulteurs dans la région, dans le vignoble Saint-Hippolyte exactement, en Alsace. Voilà. Mmh. Je salue d'ailleurs tous les Alsaciens et tous les gens de Saint-Hippolyte. Ça, c'est fait. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fait différents petits boulots en agriculture. J'étais berger. J'avais un projet d'installation à une époque, d'ailleurs. Hein, donc, j'ai dû laisser de côté. Et suite à ça, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami alsacien, hein, ici, qui était directeur du CFPPA de Courcelles-Chaussy en 90. Voilà, je suis arrivé ici en 90 pour remplacer une collègue. Et voilà, depuis, je suis resté. Voilà, alors, qu'est-ce que ça... Il faut avoir un petit peu, voilà, ça aide d'avoir une expérience et un bagage agricole pour comprendre un petit peu les problématiques agricoles. Ceci dit, j'ai pas eu de formation de formateur, voilà, là c'est plutôt la bonne volonté. Hein, qui... Néanmoins, on sent votre enthousiasme, Philippe Meyer. Récemment, nos parlementaires ont rejeté l'obligation d'imposer, alors on va parler sur le glyphosate, encore qu'on pourrait, c'est d'ailleurs peut-être lié, mais les parlementaires ont rejeté l'idée de rendre obligatoire 20% de bio dans les cantines scolaires publiques. Comment vous expliquez cette différence entre justement la demande croissante aujourd'hui de nos concitoyens pour le bio et puis ce décalage par rapport à nos élus? Quelle est votre propre analyse? Voilà, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je vais essayer de répondre. Moi, je pense que effectivement, il y a toujours une sorte de tiédeur, hein, vis-à-vis de la faisabilité de ce genre de projet. Donc, ce que j'entends par là, c'est voilà, on sent bien qu'il y a une demande de la part de la société d'augmenter la consommation de produits bio, de produits sains, hein, de produits bio, notamment dans les cantines scolaires, quoi. Voilà, et on a l'impression que les gens qui nous, enfin, qui édictent les lois, qui mettent en place les lois, sont toujours un petit peu frileux dans le fait de passer à l'acte et de rendre des choses opérationnelles, quoi. Alors pourquoi? Bon, je sais pas. Je pourrais dire derrière qu'il y a des intérêts en jeu qui nous dépassent. Enfin, moi, du moins, qui me dépassent. Hein. Moi, je dis, il faut continuer à y croire. Hein. C'est un peu le sentiment que j'ai envie de... Justement, on va continuer à y croire. Quelle serait, Philippe Meyer, là, pour vous, la ferme idéale aujourd'hui? Alors, ouais, une ferme idéale, c'est celle qui serait directement en lien direct avec ses consommateurs, qu'ils soient dans des écoles maternelles ou autres, ou des consommateurs, des familles, tout simplement. Voilà, ça, c'est déjà une chose. Et du coup, une ferme qui... Alors, c'est un peu, je soulignerai au passage, ce que je reprocherais un petit peu à la ferme maraîchère en tant que telle, c'est qu'elle est un petit peu trop... monoculturel, hein, même s'il y a plein d'espèces, et après tout c'est que du maraîchage. Il manque un petit peu, on va dire, de bactéries animales dans ce système. Généralement c'est des fermes unipersonnelles aussi, donc où finalement la responsabilité de la ferme repose que sur une personne. Moi, mon schéma idéal serait une ferme d'une certaine surface, modeste, hein, quand même, entre une quinzaine d'hectares, mais qui cumulerait différentes activités, différents ateliers, différentes ressources humaines, mais donc toujours voilà, avec comme objectif un lien direct avec les consommateurs de son territoire, quoi. Pour autant, on est très, très, très loin, très éloigné du modèle que l'on tente d'imposer aujourd'hui en France. Je pense par exemple aux fermes de 1000 vaches. Ouais. La ferme que vous décrivez là, Philippe Meyer, vous êtes un professionnel, elle est aujourd'hui viable, et est-ce qu'on peut imaginer qu'elle devienne demain un modèle dominant? Ben, moi, j'ai envie de l'imaginer, en tout cas. Hein, viable, oui, hein, dans la mesure où finalement la valeur ajoutée de la ferme, le travail et les valeurs ajoutées des acteurs de cette ferme restent finalement entre les mains de ces acteurs. C'est le lien direct avec le territoire. Pour moi, l'équation, elle doit se solder par quelque chose de positif, quoi, hein, c'est une évidence. Alors, on parle des fermes de 1000 vaches, etc. Bon, Oui, là on sait pertinemment que s'il n'y a pas de soutien public ou autre pour ce type d'initiative, ça a quand même du mal à porter ses fruits économiquement parlant, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Philippe Meyer, responsable de la formation maraîchage bio ici au CFPPA de Courcelles-Chaussy dans la Moselle, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Non, je vais aller pour un coup de cœur, hein. Moi je suis plutôt positif aujourd'hui. Donc mon coup de cœur, allez, on va dire globalement, j'ai envie de l'adresser à l'ensemble des gens qui œuvrent pour la bio ici au niveau local. Alors je pense aux collègues professionnels maraîchers ou autres ou CGA, mais aussi à tous les anciens stagiaires qui sont passés par là, qui portent encore maintenant sur le terrain un petit peu nos valeurs, chose qu'on a échangé au cours de nos 10 mois passés ensemble. Et plus particulièrement, je tiens à saluer à titre comme ça un petit peu symbolique la session 2014 de stagiaire BPRE à maraîchage bio 2014 qui pourquoi nous a vraiment amené. Pourquoi cette promotion en particulier ? Eh bien, ça a été pour nous un moment où les stagiaires nous ont amenés sur des possibilités. Ils ont osé imaginer des choses, nous ont presque obligés à imaginer avec eux des scénarios d'installation auxquels on n'avait absolument pas pensé. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant au niveau de l'interaction. Parce qu'une formation, après tout, nous on est formateurs, on n'a pas la science infuse, loin de là. On est juste là pour faire en sorte qu'un groupe fonctionne correctement, en bienveillance, ce qu'ils étaient, ces gens en 2014, il faut le souligner, très bienveillants. Que ça fonctionne en bienveillance et que tout le monde s'alimente au courant de ces 10 mois. Quoi, hein. C'est le cas de le dire. Voilà. Philippe Meyer, vous disiez tout à l'heure être alsacien. L'Alsace est évidemment frontalier avec l'Allemagne. L'Allemagne qui est toujours très en pointe dans beaucoup de domaines, notamment la bio. Ouais. Là aussi, comment vous expliquez cette différence ? Et est-ce qu'il y a des points d'inspiration ? On n'est pas très loin non plus de la frontière avec ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Ouais, alors je connais pas trop bien l'Allemagne agricole, on va dire, pas assez bien du moins pour en parler. Ceci dit, au niveau bio, on n'a pas trop à rougir. On est plutôt bien placé en France au niveau ferme, au niveau surface. Ça faut pas. On est avant l'Allemagne, bon, parce que la France est un grand pays agricole. Par contre, ce que j'ai envie de retenir finalement de ce que j'ai vu en Allemagne lors de nos sorties qu'on fait, parce qu'on fait quelques sorties quand même avec nos apprenants. C'était l'expérience de la ville de Fribourg et de la Garden Coop, donc où finalement c'est un collectif de citoyens qui a pris en main son alimentation, sa production agricole, qui a salarié des gens qui font partie de leur dispositif associatif, salarié ces gens pour assurer la production, qui assure la distribution de ces légumes dans l'ensemble des quartiers fribourgeois. C'est quelque chose que je verrais bien faisable à Metz. C'est un peu, si j'ai eu une chose que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien que la Moselle, anciennement allemande, s'inspire de l'Allemagne, ce serait d'oser également faire ce genre de choses. Voilà. Le programme de formation de maraîchage bio doit évoluer l'année prochaine. Oui, donc l'an prochain, alors le diplôme est rénové. En fait, la rénovation, je ne vais pas être trop technique. La rénovation porte plus sur finalement ce qu'on veut évaluer et certifier de la part de chez nos apprenants. Notamment, on va se diriger plus sur des capacités que des savoirs, quoi. Voilà, c'est la grande évolution. Alors petite parenthèse, expliquez-nous la différence entre capacité et savoir, Philippe Meyer. Eh ben, capacité, c'est être en mesure de faire quelque chose, de dérouler finalement une stratégie, une réflexion, peu importe finalement le contexte. Le savoir ou le savoir-faire est souvent relié et assujetti à un contexte donné, etc. Donc l'autonomie n'est pas aussi complète que dans l'approche capacitaire. Mmh. Donc ce qu'il s'agit de faire dorénavant, effectivement, c'est de privilégier beaucoup plus non pas l'action en tant que faire quelque chose en tant que résultat à atteindre, mais c'est plutôt la porte d'entrée pour permettre à l'apprenant d'échafauder sa réflexion, sa méthodologie de réflexion. Et quelle incidence ça va avoir, ce changement d'approche dans, d'une part, la pratique de votre propre métier de formateur, mais aussi pour les apprenants eux-mêmes en maraîchage bio ici à Courcelles aussi? Alors, moi, j'ai le sentiment que ça ne va pas changer énormément de choses parce qu'on avait déjà un petit peu investi ce terrain spontanément, instinctivement depuis quelques années. Donc, en fait, ce qui va surtout changer, nous, pour nous formateurs, à mon avis, notre relation par rapport à l'évaluation des stagiaires et ce qu'on attend finalement d'eux, non plus voilà, savoir faire quelque chose, mais on est beaucoup plus en attente qu'ils nous explicitent comment ils raisonnent finalement leur façon de faire. Quoi. Voilà. Merci Philippe Meyer. Oui, merci à vous, hein, et puis revenez quand vous voulez. Je rappelle que vous êtes le responsable de la formation au brevet professionnel en maraîchage biologique au CFPPA de Courcelles-Chaussy en Moselle. Pour en savoir plus sur cette formation, rendez-vous sur www.eplea.metz.educagri.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le commerçant des rues de la Québécoise Marie Traverse, dite La Bolduc, sortie en 1931, ici dans une reprise par le groupe Chanson Plus Bifluoré, paru sur l'album Au Bilboquet des Planètes, sorti en 1999. Je veux du bonheur par Laurent Montagne, sorti en 2018 sous forme vidéo produite par l'association Terre et Humanisme, anciennement les Amis de Pierre Rabhi. Et enfin, Frische Luft, de l'air frais, par l'allemand Vincente Weiss, paru sur l'album Irgendwas gegen die Stille, quelque chose contre le silence, sorti en 2017. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.